J'ai commencé ma vie par un dérapage. À l'âge que j'ai, elle continue de glisser comme sur du carrelage. Moi c'est à force de me prendre des coups dans le vide que j'ai compris qu'une tête remplie ça peut combler des poches vides. Je suis pas un fan de Kawan ni un footbox, mais je tape dans la musique comme un coup de pompe dans un jukebox. La vie n'est pas une bague en or 20 carats, alors je porte ma révolte comme un t-shirt Che Guevara. Apportez-moi une coupe de veuve Clicquot. Je ne fume que de la bombe et je n'écoute que des classicos. Le soir, les idées noires viennent m'étrangler, alors je rêve de victoire, mais seulement avec un grand V. J'ai mis toutes mes larmes dans un grand verre. Pleurer ça sert à rien, comme tenir une arme à l'envers. Je suis prêt à tout perdre, mais on n'a qu'une vie. Et dans ma tête, j'arrête pas d'entendre cette voix qui me dit: pense à un avenir moins pire qu'hier, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'essuie mes larmes à la serpillière. Nos prières sont si loin d'être exaucées, on est tous des bombes humaines, impossibles à désamorcer. En morceaux, tous nos rêves sont partis, comme des éclats de verre qui partout s'éparpillent. On bosse pour acheter un bonheur à crédit, on court après du vent et ça les anciens l'avaient prédit. On court après du vent et ça les anciens l'avaient prédit. On court après du vent et ça les anciens l'avaient prédit. Ici, les rues, les bâtiments sont tous gris. Dis-moi qui tu es, je te dirai quand est-ce qu'on t'oublie. Nos rêves en morceaux nous ensorcellent. J'ai pas la solution, ni les couilles en or à marque d'orcelle. Ne m'empêche pas de planer vers mon devoir. Paraît que chacun son tour, on aura tous un quart d'heure de gloire. Y'a rien sans rien, impossible de ne pas souffrir. Mais les gens veulent le paradis à condition de ne pas mourir. Combien de fois je suis tombé sur un os, et pour tomber amoureux faudrait que je glisse sur un gloss. Combien de fois je suis tombé de haut, seul avec moi-même dans la fumée de mon bédo. J'ai beau chercher mais je connais pas la cause. Les gens changent avec le temps mais le temps ne change pas les choses. À se demander s'il n'y a pas grand chose à faire, car c'est nos vies si difficiles qui assombrissent nos caractères. Pense à un avenir moins pire qu'hier, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui j'essuie mes larmes à la serpillière. Nos prières sont si loin d'être exaucées, on est tous des bombes humaines, impossibles à désamorcer. En morceaux, tous nos rêves sont partis, comme des éclats de verre qui partout s'éparpillent. On bosse pour acheter un bonheur à crédit, on court après du vent et ça les anciens l'avaient prédit. On court après du vent et ça les anciens l'avaient prédit.